Bonjour, nous c'est Projet Morse. Salut, c'est Babou de Projet Morse. De novembre 2022 à juin 2023, j'ai été invité en résidence de création à la Fondation John Bost, une institution sanitaire et médico-sociale accueillant des personnes adultes en situation de handicap. Située à La Force, en Dordogne, la Fondation développe depuis 3 ans la Fabrique, lieu culturel intermédiaire et espace de vie sociale. J'y ai réalisé plusieurs pièces sonores avec les résidentes et résidents, proposer des séances d'écoute et organiser un concert de Belmond Witch avec Michel et Thomas. Pour commencer, voici une pièce réalisée avec des sons concrets. Avec Stéphane, un résident, on a enregistré plein de sons de matière et les différents sons générés par le fauteuil électrique d'un résident qui nous ont complètement fascinés. Thank you. Un jour, j'ai débarqué en plein karaoké à Tibériade, un des EHPAD de la Fondation. Et ça donne ça. Voulez-vous danser, grand-père? Quand les bougies s'illuminent. Après, je sais plus. Une chanson qui va, je pense, vous plaît. Alors. Attention, ça va secouer, monsieur. On va chanter. Ça va secouer. Attention, ça va secouer. Alexandrie, Alexandrie. Alors, allumez le feu. Allumez le feu. Allumez le feu. Alors, celle-là, madame le chapelain la connaît aussi. Hein. Allô. C'est quelle chanson que vous avez aimé entendre? C'est mon temps à la bicyclette. Ah, à mon temps à bicyclette. Elle est passée? C'est pas la plus belle. Hein. Elle a passé? Non, c'est une question. Ah non, mais j'étais pas là au début. Vous voulez que je demande ce qu'elle passe? N'importe comment, une chanson de mon temps aura toujours mon cœur. Oh, d'accord. Ça vous rappelle des trucs, de mon oh temps? Non, pas toute une vie, on l'a entendu quand même chanter longtemps, moi. N'importe laquelle, j'aime mon temps. Voilà. Je vais aller demander alors. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous faites de l'accordéon alors? Je faisais de l'accordéon. Qu'est-ce que vous aimiez jouer? Oh, tout. Tout. Je faisais les balles. Ah oui? Alors, il fallait jouer des vagues, des tangos, des boléros, des marches, des tout, quoi. Super. J'aimais bien ça. Vous écoutez encore? Comment? Vous en écoutez, j'imagine. Oh oui, j'écoute. C'est pas bien ça. Cette chanson-là? Comment? Cette chanson-là? Vous parlez de cette chanson-là? N'importe laquelle. Mon cœur te dit, je t'aime. Mon cœur te dit, je t'aime. Mon cœur te dit, je t'aime. C'est complètement con, enfin bref. C'est vrai que les paroles sont simples, quoi. C'est quoi votre chanson préférée? Oh, je n'en ai pas maintenant. Je n'en ai plus maintenant de chanson préférée. Et à l'époque, c'était quoi votre tube? Je ne sais pas. Je n'ai pas perdu la tête, mais un peu. Je ne me rappelle plus maintenant. La musette? Ah, j'aimais bien, oui. Pierre Churen. Ah oui. Ferrari. Prud'homme. Prud'homme. Merci beaucoup. Comment? Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir parlé. Ah, oui. Oh, c'est normal, non? Mon cœur te dit je t'aime à chaque fois qu'il bat. Je t'aime, il ne sait dire que ça. Je ne veux pas te perdre, j'ai trop besoin de toi. Mon cœur te dit je t'aime, il est perdu sans toi. Mon cœur te crie je t'aime à chaque fois qu'il bat. Dis je t'aime, la la la la la la. Chanter. Et qu'est-ce qu'il la chante? Quel est le chanteur? Alors voilà. Attendez, c'est pas tout, mais j'ai pas les paroles. Alors. Je ne sais pas. Non. C'est Amélie qui vous l'avait appris cette chanson. C'est Amélie. Oui. Non. Chant et ou Christophe et Deschamps. Oui. Chanter. Avoir peur, avoir un chanter. La tête dans les étoiles, le chanter. Et pour le corps, un miracle peut exister. Chanter, etc. Tu sais ce qu'elle fait, Anne? Mais oui, j'ai les paroles. J'avais. Vous faites quoi, Anne? Non, je n'ai pas la musique. Je n'ai pas la musique. Vous mais jouez du chanteur, piano? C'est pour. Vous pour jouez du piano, Anne? Oui. Vous jouez du piano? Oui. Et oui. Avec un piano faux. Vous avez trouvé alors qui chantait cette chanson? Parce qu'en fait, on ne sait pas qui chante. Elle a dit, j'ai cherché sur l'ordinateur le chanteur. Avoir mal, mais pas avoir peur pour chanter. Ah bon, oui, alors voilà. Qui naissent la nuit d'été, chanter, avoir peur, avoir mal, chanter, la tête dans les étoiles, chanter, la joie et la fureur de vivre en équilibre. Jusqu'à perdre le souffle, chanter. Et même à la fin du spectacle, pour un miracle peut exister. Vivant, survivant, défier. Être dit sur la porte, la porte des jours est toujours chantée comme un feu qui chante, comme un feu qui pétille, chante, comme un regard qui brille, chante, l'espoir, la folie, la possible. Ma grand-mère qui chantait ça. Elle était en bas à la cuisine et moi j'étais en haut avec mon grand-père. Ah, les chanteuses sont arrivées. Oh, mais quand t'es Rina Ketty, Luis Mariano, comme ça, ma c'est grand-mère, sûr Luis Mariano. Que... Alors, elle adorait Luis Mariano. Alors, comme je dis, mamie, il faut la chanter, hein, chante. Et la pauvre, elle a bien fait. Alors, j'ai pas noté votre prénom. Hein? J'ai pas entendu votre prénom. Marie-France. Marie-France. Moi, c'est Baptiste. Oui. Enchanté. Voilà. Et alors, vous, je sais, mais j'ai oublié. Allez, redites-le-moi. Votre prénom. Jacqueline. Ah oui, Jacqueline. Mais... Je m'en vois que l'homme. Mais elle s'est chantée. Voulez-vous danser, grand-père? J'ai appris. Elle a fait. Grand-père ou grand-mère? Grand-mère. Ah bon. Et voulez-vous danser, grand-père? Danser, grand-mère, pour votre anniversaire, quand vous aviez 20 ans, solennelle et puis si belle. Pour la vie éternelle, voulez-vous danser, grand-père? Voulez-vous danser, grand-mère? Quand les rues du ciel, moi je sais plus loin, il a chanté, monsieur. Bonjour. Je pense qu'il va chanter. Bonjour, vous appelez comment? Ah non, je ne chante pas. Hein. Vous chantez pas? Ah non. Vous écoutez? J'écoute, voilà. Il y en a qui vont chanter très bien, alors on va les laisser chanter. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils chantent? Oh, je n'ai pas... Je n'ai rien de précis. D'accord, n'importe quoi. Tout ce qu'ils veulent. Allez-y. Comment vous vous appelez? Henriette. Henriette. Bonjour. Bonjour. C'est là. Comment vous vous appelez? Comment je m'appelle? Oui. Ségalini. Anne-Marie Ségalini. Anne-Marie, d'accord. Vous allez chanter? Oh non, c'est dommage. Vous venez écouter? Bien dommage que ma mère était italienne et mon père aussi. Ah bah alors? Alors, ils chantent tous les deux. D'accord, et pas vous? Ils chantent pour la maison, pour nous. Je trouve qu'ils chantent même très bien. Et alors vous... Maintenant que j'ai pris le bruit, je trouve que c'est bien s'ils font. Super. Et qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils chantent? Moi, c'est foutu, moi. Pourquoi? Ben, parce que c'est trop tard. Ah, oh, bah... On ne peut pas avoir tout le même coup. Malheureusement. Bon, je pense que vous allez chanter un peu, quand même. Dans votre coin, oh, discrètement. Non, rien. Non? Je m'en vais ce soir. D'accord. Vous allez où? Je vais rentrer chez moi. D'accord. Comment vous vous appelez? Eh bien, je vous ai dit Anne. Ah oui, pardon. Anne-Marie. Je passe mon temps à oublier les choses. Anne. Anne. Voilà. Merci. Maria. Marie-France, venez. Oui. Alors, vous allez chanter? Oui. Qu'est-ce que vous voulez chanter? Bien Poupoule. Bien Poupoule? C'est de qui, ça, déjà? C'est une ancienne chanteuse. Et alors, qu'est-ce qu'elle vous rappelle, cette chanson? Oui, quand on disait... Quand mon père disait à ma mère, Poupoule. Et il lui chantait ça? Oui. Mon papa aussi chantait ça? Oui. Ouais. C'est une vieille chanson, ça. Oui, c'est une vieille chanson. C'est les années 30, peut-être? Oui. Je pense. Oui. C'est mon temps à enregistrer. Là. Comment s'appelle cette dame anglaise? Béatrice de votre fille. Et même si me sourire, je savais qui je vais fille. Alors là, on est donc à Tibériade pour le karaoké. Il n'y a que des dames. Alors je suis contente de vous voir. Il y a même monsieur. Ah, il y a Dominique. Et vous, vous appelez comment? Bernard. Est-ce que Bernard, vous voulez bien me chanter les premières notes de La vie en rose? Je m'en souviens plus. Voilà, La vie en rose. Quand il me prend... Oh, non, mais je chante faux. Ah, moi aussi, comme ça on sera deux. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle... Tout bas, je vois La vie en rose. Et je ne sais pas chanter. Moi, je vous ai entendu, vous m'avez même fait pleurer. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur. Une part de bonheur dont je connais la cause. Vous voyez, c'est épouvantable. Moi, je trouve ça super. Il me l'a dit, l'a juré. Quand... C'est vous pour la vie? C'est moi pour le? Pour la vie. C'est moi pour la vie, peut-être. Bah oui, je fais ça. À l'ESAP Patmos, j'ai fait écouter au résident Aventersia, une pièce de 2010 d'Alessandro Bosetti. J'avais laissé le micro ouvert qui a enregistré la pièce et les réactions vocales, verbales et non-verbales des résidents, notamment. Au début, on entend la fin d'une pièce. Je ne saurais plus vous dire laquelle. Voilà ce que ça donne. Thank you. À la fin de la résidence pour la fête de la musique, j'ai proposé à Belmont Witch, Michel Santoyo, qu'on accueillait en résidence cette semaine-là à Sainte-Foy, de venir faire un concert pour les résidents et résidentes avec Thomas Carpentier en guest, au violon et au clavier. Du coup, les journalistes de l'atelier d'écriture de la Fondation en ont profité pour interviewer Michel. L'interview a été diffusée après le concert à la Fonda et ensuite au Festival La Claque 2022. Oui. Pendant la radio éphémère organisée par Projet Morse. C'est un montage de Alex. Nous accueillons aujourd'hui à la fabrique Michel, chanteuse et guitariste du groupe Belmont Witch. Elle viendra chanter pour nous au premier étage de la fabrique le lundi 19 juin à 14h. Sophie, Chantal et moi-même, Laurence, nous avons préparé cette étape. Oui, signifie sorcière. Pourquoi avoir choisi ce nom de scène? Alors, c'est un nom que j'ai choisi il y a déjà 10 ans. Mon premier concert, c'était le 21 juin 2013. Du coup, je me souviens bien un peu de la période où j'ai choisi ce nom. Et il y a deux raisons. En fait, si on met mon prénom à l'envers, ça crée un W. Et ensuite, la connotation avec l'image de la sorcière, c'était quelque chose qui me plaisait ou qui me plaît depuis que je suis petite, depuis que je suis enfant. Du coup, il y avait une recherche autour d'un comme un changement de prénom. Enfin, utiliser mon prénom, mais le faire évoluer et aussi qu'il y ait une connotation avec une image forte comme celle d'une femme qui est une sorcière. Quel âge as-tu ? J'ai 32 ans et je vais avoir très bientôt 33. C'est tout jeune, hein ? De quelle origine es-tu ? Je suis mexicaine. Ça. Et quand es-tu arrivée en France ? Je suis arrivée en 2010. Oui. Dans quelle langue chantes-tu ? Je chante surtout en espagnol, en ce moment. Disons, pour mon prochain album, la majorité des chansons sont en espagnol, mais il y en a deux en français. Et pour mes premiers albums, je chantais en anglais, en français quelques-unes, et en espagnol. C'était plus mélangé. Est-ce que tu écris des textes et composes-tu tes mélodies ? Tout à fait. Je base ma composition dans différents supports. Du coup, j'utilise surtout les textes que j'écris. Et ensuite, quand je fais des morceaux, ce que je cherche, c'est d'abord sortir par exemple des accords à la guitare. Et ensuite, j'ouvre mon carnet et je cherche des textes un peu au pif. Mmh. Ou par moment, je me dis vraiment, ah, ce texte-là, je l'ai écrit en pensant à faire un morceau. Du coup, je vais chercher des mélodies qui soient adaptées à la temporalité du texte. Des rares fois, j'ai déjà une mélodie en tête et j'essaye de la sortir pour ensuite placer les paroles. Ah ouais. Donc, nous faisons une activité de musique qui m'intéresse beaucoup. Alors, grâce à cette musique, moi, j'ai appris à faire du saxophone, du bao-bao, d'autres appris le tambour, d'autres appris beaucoup de méthodes de chansons, beaucoup de méthodes de chanter, percussions, tu es situé dans les mains, et tu sortais plusieurs langues. Alors, l'année dernière, on avait fait un enregistrement sur un texte qu'on avait travaillé avec un intervenant qui s'appelait Nicolas, effectivement. Et on avait fait la chanson de... Comment ça s'appelle, première chanson qu'on a fait ? Les Vagabonds. Les Vagabonds. Et on a fait ce travail pendant presque quelques mois avec cette Et c'était comment le travail que vous faisiez avec c'était lui ? C'était intéressant. On préparait nos textes avec... on cherchait des phrases, des textes et tout. Et on avait fait des percussions aussi, enregistrement de percussions ici. Et on a fait enregistrement à Périgueux l'année dernière. Et là, cette année, on a fait une deuxième chanson qui s'appelle... Une cadeau de poésie, oui. Une cadeau de poésie, oui. Et c'est des chansons que vous avez réécrites ou écrites ? Des textes qu'on a inventés. Que vous avez inventés. On était ensemble, plusieurs résidents. A composé cette chanson avec Nicolas et Lucie, notre responsable d'atelier. En fait, à la musique, on est plusieurs personnes de différents pavillons. Et on est dans une dizaine, je pense, dans l'ensemble, on est 10. Et là, c'est le deuxième enregistrement qu'on a fait avec nos quarts d'heure de poésie cette année, la Périgueux. Donc c'était chouette. On a été très bien reçus. C'est un peu comme le Roxane. Alors on fait l'enregistrement, mais que j'ai un peu plus petit. Mais c'était super. L'enregistrement, c'est génial quand même. Ouais. Tout s'est très bien passé, on avait enregistré, bien chanté, donc c'était cool. Es-tu musicienne professionnelle ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire professionnelle ? Est-ce que tu en vis ? Est-ce que tu as un autre métier par rapport à ça ou... Alors, j'ai un autre métier de programmatrice de concert. D'accord. Donc, c'est aussi en lien avec la musique. Mais je te posais la question de qu'est-ce que c'est professionnel pour toi, pour vous ? Parce que, en vrai, je pourrais dire oui, je suis professionnelle ou non, je ne suis pas professionnelle. Parce qu'il y a deux, je pense qu'il y a deux façons de oui, de en voir. Fait, tu ne le fais pas en amateur. C'est vraiment. Encore une fois, je pourrais répondre. Oui, je le fais en amateur. Ah oui. Ou à la fois, je suis professionnelle parce que je fais les choses sérieusement. Et je fais les choses avec une intention. Et quand je me dédie à mon travail de composition ou que j'accorde du temps à répéter ou que j'enregistre et que je dois payer des frais pour des enregistrements, des choses comme ça, ça implique que je donne beaucoup de ma personne, temps... même de mon argent, comme je le ferais pour un travail. C'est un travail, c'est un investissement. Oui. Donc, de ce point de vue-là, je peux dire que je suis professionnelle, mais dans le cadre de ma pratique, je suis autodidacte. Donc, ça veut dire autodidacte, c'est que j'ai pris des cours de guitare classique quand j'étais enfant, mais ensuite je pouvais plus prendre des cours, du coup j'ai continué avec ma guitare et mes oreilles et en cherchant à sortir des accords, à sortir des sons et ensuite à assumer que j'avais envie de faire ça. Donc ça rejoint deux cheminements, on va dire. Oui, je suis professionnelle et ma pratique est plutôt dans une approche amateur. Oui. Donc, c'est un peu les deux. D'accord. Est-ce que ta carrière de musicienne professionnelle te laisse quand même du temps pour ta vie privée ? Oui, quand même. Je le cherche. Puis ma carrière, pour l'instant, elle est... elle est, on va dire, intermittente ou éphémère. Enfin, elle se fait présente par moment quand j'ai des occasions de jouer, ou quand j'ai des résidences, ou quand j'ai des tournées qui peuvent durer une semaine, voire deux. Mais j'en suis pas encore à une carrière de musicienne professionnelle comme d'autres artistes peuvent l'avoir. Ou vraiment, il y a des artistes qui partent en tournée pendant 3 mois ou 4 mois, et ensuite c'est retour pour enregistrer des albums. Et enfin, pour l'instant, j'ai quand même du temps pour moi. Non, ça, c'est cool. Depuis combien de temps chantes-tu sur scène? Je chante depuis 10 ans. Vraiment, oui. Depuis 2013, où j'ai commencé à accepter que j'avais envie de faire de la musique. De le partager surtout, parce qu'on peut faire de la musique pour soi, mais il y avait cette envie de dépasser une certaine peur et envie de, oui, faire des concerts, oui, avoir des groupes, oui, jouer avec des gens et se mettre un peu en vulnérabilité face à cette envie. Comment et où as-tu appris à chanter? Où, je ne sais pas trop, parce que c'est quelque chose que j'ai appris dans le temps. Et comment, pareil qu'avec les instruments que j'ai pris, c'est-à-dire de façon autodidacte, j'ai pris, je pense que dans ma vie, 3 cours de chant, et j'aimerais en prendre plus, parce que des fois je me sens pas sûre d'avoir une technique. En fait, c'est à l'inverse, j'ai pas de technique de chant parce que j'ai pas pris de cours de chant, à vrai dire. Et les quelques fois où j'ai vu des profs de chant, elles m'ont expliqué des questions de respiration, de projection de la voix, d'échauffement. Et c'est quelque chose qui me manque un peu, que je sais que je devrais pratiquer plus. Mais pour le reste, c'est dans la foulée du temps. Enfin, je sais qu'il y a 10 ans, je chantais pas de la même façon que maintenant. Parce que j'ai un tout petit peu plus d'expérience, un tout petit peu plus d'assurance. Et je l'écoute même dans les albums que j'ai enregistrés. Dans le premier album, c'est pas pareil que maintenant. De quel genre de musique t'aspires-tu? Comment qualifies-tu ton style? La musique que tu me fais penser du folk rock à statu quo aux Doors? J'aime beaucoup les Doors. Ah, regarde. En fait, c'est un des premiers albums que j'ai écouté quand j'étais ado. J'étais dans un marché, j'ai vu un CD pirate. Enfin, c'était un truc gravé comme ça qu'on vendait pas cher. Et je l'ai acheté et je me souviens que j'avais beaucoup aimé. Et j'avais fait des recherches sur le chanteur et j'étais vraiment émerveillée à l'idée qu'il est à Paris, enfin qu'il a été enterré à Paris, oui. Et qu'il a vécu à Paris. C'était un vrai rocker. Voilà. Mais du coup, pour les styles, la question c'était les types de musique qui m'influencent. C'est du coup. Il y a aussi des danses, des status quo, des groupes de rock comme, je sais pas moi, attends, compliqué, mais des vieux, des groupes de rock qui sont pas tellement connus, mais qui m'ont fait ça. Oui, mais toi-même, t'es en train d'aller dans ce sens-là, c'est vraiment, pour faire court, c'est le rock. Enfin, moi, le rock, ça m'inspire énormément, ça m'influence. Voilà. Et je ne suis pas quelqu'un qui a des influences définies, parce qu'il y a beaucoup d'artistes ou de groupes qui savent très bien, même sur une feuille, à dire « Ah ben, mes influences principales, c'est les Beatles, les Doors et j'en sais rien, U2, par exemple. » Rappel. Et pour moi, je pense que c'est plus comme des influences un peu perdu dans la culture moderne, on va dire, ou la culture de la musique qu'on écoute à la radio, par exemple. Ouais. N'écoutera pas. N'écoutera pas. Quels sont les thèmes que tu abordes dans tes chansons? Alors, il y a eu une période pour l'album Inertia où c'était très marqué, c'était vraiment... Vous écoutez les morceaux, vous pouvez comprendre directement. Du coup, il y avait même Inertia et celui d'avant, il y avait un positionnement clair sur le féminisme, sur, on va dire, les mouvements politiques, d'une certaine façon. Enfin, à l'époque, il y avait Trump qui venait de gagner les élections. Du coup, il y avait, je ne sais pas, je faisais à ma façon un peu un registre de comment je percevais ça à l'époque. Il y avait ça, il y avait des questions sur les migrants, les réfugiés, ou des violences systémiques. Enfin, je dis ça pour mettre des mots dessus, mais quand j'écrivais les morceaux, j'étais pas dans une intention d'avoir un positionnement politique à travers ma musique. C'était plus une façon personnelle de vivre les choses. Et en dehors de ça, je pense que toute ma musique ou toutes mes compositions sont vraiment autobiographiques pour l'instant. Donc peut-être que dans d'autres albums, je ferai de la fiction et j'écrirai que de la fiction ou de la poésie ou des choses plus globales. Mais quand je vous racontais tout à l'heure que ma façon de composer, c'est d'abord sortir des mélodies à la guitare et ensuite j'ouvre mon carnet et je pioche, en fait, c'est vraiment mes carnets à la fois journal, à la fois carnet d'écriture, carnet de composition. Du coup, tout se mélange un peu. Et en fin de compte, les thématiques sont des thématiques personnelles ou quotidiennes. Voilà. Es-tu militante ? Oui, je suis militante. Je suis militante et en même temps, je suis aussi juste une personne consciente et une personne qui a besoin de temps et de repos. Donc je pense que le militantisme ça engage vraiment beaucoup d'énergie et ça engage de se dévouer à une cause ou plusieurs causes en fonction de ce qui nous interpelle. Donc je pense qu'on peut tous être emmenés à être militants, mais il faut des temps pour être soit militant ou activiste ou engagé politiquement, parce que militant ça a aussi une connotation très forte ou très politique, ou vraiment t'es militant, les gens peuvent penser à t'es militant d'un parti politique, t'es militant d'une association en défense des droits des animaux, par exemple. Donc je pense que ça dépend de un peu de chaque personne et de chaque revendication, de dire moi je suis militante de ci ou de ça. Donc pour te répondre, je pense que je suis militante de toute cause en faveur d'un certain équilibre, qu'il soit économique ou politique, enfin quelque chose où on puisse trouver vraiment, enfin c'est des grands mots parce que c'est très politique, mais la justice et la paix et le développement culturel, et enfin c'est, mais bon, tu vois, direct on parle de ça et ça devient compliqué. C'est un plat cuisiné, lequel tu serais ? Waouh, c'est une très bonne question. Parce que il y en a plein. Je pense que je serais un taco. Donc c'est un plat mexicain, très simple. C'est une galette en maïs et tu peux mettre soit de la viande, soit des légumes. Et ce qui est très bon, c'est que par-dessus, on a l'habitude de mettre des oignons frais et du citron et de la sauce piquante. Et au goût, un peu de sel ou un peu de poivre ou même d'autres choses, enfin, soit des nopales. C'est vraiment quelque chose qu'on peut garnir. Du coup, c'est petit, ça tient dans la main, on peut le manger debout, on peut le manger dans un restaurant. Donc, c'est un plat qui s'adapte à plusieurs contextes. Donc, je pense que je choisirais ça. Aimes-tu porter des bijoux ? Est-ce que tu aimes la mode ? J'aime porter des bijoux, oui. Là, je porte... je peux faire une explication des bijoux que je porte. Oui. Donc, ça, je viens de l'acheter. C'est un petit collier avec des perles un peu argentées, fait main par des artisans huicholes au Mexique. Et je l'ai acheté avec ma mère en sortant d'un musée il y a quelques mois. Et c'est chouette parce que, en fait, les petites perles, elles sont en train de perdre leur couleur et elles deviennent transparentes, mais je l'aime quand même. Mmh. Et ça, c'est un petit pendentif, c'est une pierre labradorite, je crois. Et je l'ai acheté il y a 2 ans aussi au Mexique pendant un voyage. Et ensuite, j'aime beaucoup les bagues parce que ma mère a toujours porté des bagues et du coup, je. Oui. Et pour la mode, bah. Oui, j'aime la mode, mais un peu la mode simple. C'est-à-dire aller en friperie et trouver des trucs magiques ou trouver des chaussures qu'on ne s'attendait pas à acheter ou échanger des fringues avec des copines. Et par moments, bah oui, enfin, quand j'étais petite, je voyais évidemment les magazines de mode et je ne sais pas, j'avais un peu l'habitude de voir... C'était des magazines qu'achetait ma sœur, qui travaille dans la mode. Mmh. Et du coup, je pense qu'on avait toutes les deux cette espèce de regard sur les vêtements ou sur... Je ne sais pas si ça vous est arrivé de voir des pages et de dire, bon, de cette page-là, tu choisirais quoi ? Si tu devais choisir un seul vêtement, tu choisirais lequel ? Par exemple, je faisais ça avec ma sœur. Et oui, j'aime les vêtements. Là, je viens de faire du tri chez moi de beaucoup, beaucoup de vêtements que je ne porte plus ou qu'il faut juste renouveler. D'accord. Voilà. As-tu des animaux de compagnie ? J'ai un petit chat et j'en avais un autre, mais il est mort il y a quelques mois. Ah, oui. Il s'appelait Poutine, comme la poutine, c'est un plat. Et l'autre qui est encore avec nous, il s'appelle Cubor. Cubor. C'est des chiens ou c'est des chats ? C'est des chats. Pourquoi Cubor ? Pourquoi Cubor ? C'est comme le petit carré pour donner de la saveur. Ah, d'accord. Maintenant, avec vous et avec là, est-ce que je vais chanter un petit morceau ? Ah ouais. Oh là là. Un petit morceau, je vais bien vous écouter là. Un morceau. Ça m'intimide parce que j'ai pas ma guitare. Ah, pas cette guitare. J'ai cherché une guitare, regarde. Ah, trouver une guitare. J'adore, il y en a pas une, il y en a 3. Bon. Je vais essayer. J'ai souvent répété des mauvaises pensées et souvent j'aurais aimé comprendre pourquoi et pourtant j'aimais ça imaginer le pire succession de clivage, mirage, rivage. S'il fallait mettre des mots, j'aurais sûrement crié. Et... entièrement. Le monde entièrement. Il y avait les dents, t'as retrouvé les dents. La musique, et la voix. Oui. Jim Morrison était avec nous aujourd'hui, voilà, là. On l'a fait revivre, il s'est réveillé. Pendant les écoutes, en groupe ou individuel, au casque et ou en multidiffusion, il y a des pièces qui ont vachement plu et on va en écouter plusieurs. On commence avec Murmure, une pièce de 2003 de Béatrice Ferreira. Dans le coaching. Thank you. Une autre pièce qui a beaucoup plu, c'est Egg Fried, une pièce de 2009 de Lee Patterson. J'ai aussi souvent fait écouter Grande Sabana, une pièce de 2013 de Félix Blum. Sauvé! Viens là! Viens là! Non. Assez vite, je me suis rendu compte que les pièces autour de la voix plaisaient vachement aux résidentes et aux résidents, notamment les personnes neuroatypiques non-verbales, donc qui utilisent plutôt des sons que des mots pour communiquer ou pour exprimer une émotion. On va écouter une autre pièce, cette fois de Sébastien Lespinas, enregistrée en 2012, qui s'appelle « Poème amnésique ». Mm-hmm. Enfin, on a souvent écouté la pièce Kiema de Eliane Radig, tirée de l'album Trilogie de la mort, un album de 1980. Je mets qu'un extrait, elle dure une heure. Thank you. Allez, un petit bonus, rien que pour Pinode. J'étais là avec mes micros pendant la résidence et il y a Guillaume qui m'a demandé s'il pouvait enregistrer un morceau. Bien sûr, on l'a fait. Je m'attendais pas à faire les bacs d'un morceau de rap, mais on s'est bien marré. Je vous laisse là-dessus. Sa porte un cartable bien rempli, j'avais pas les mêmes habits que Gandhi. Orange et rouge. Les jours j'ai grandi, y'a eu le feu qui fait fuir Bambi. Boum. Pas né dans une famille de bandits. Hein. Ça tient la lumière et la brandie. C'est du jaune. Et dans la musique j'exprime ma propre sphère, ce libre atmosphère. Ballon d'or, je suis Messi au pénalty. L'épreuve des balles comme The Mask, visage vert. Le masque. Et sourire aux lèvres. Jim Carrey. T'es démasqué, pas de mascarade. On a des principes, j'suis comme jetlagué. Voyage en toute saison. C'est un mat qu'elles font le chiffre 4. Les saisons. Souriant comme la Joconde, j'ai bossé pour la nature profonde. Ah ouais? Prolonge et sans me morfondre d'expérience. À 30 piges et assez bon pour entrer dans obédience. Je surfe sur toutes les tendances et j'utilise variance de rythme. J'ai encore du temps pour réussir. Tant mieux. J'ai encore du temps pour me définir. Tant mieux. J'ai encore du temps pour m'y investir. Fais vite. J'abandonne pas l'amitié, c'est même un sérieux qui se souvient. Et quand je rappe, c'est nouveau pour moi. Toi de bois ou toi de chum, la maison tiendra. Grand méchant loup est là. Souvenir de famille reste fiable, ça une enfriade, c'est de ça que je te parle. Incommensurable et ma deadline, je perds pour les trous noirs. Je ne peux pas être fatigué, ceci n'est pas une idée. C'est synopsis de nouvelles attentions qui m'inspirent et m'attirent. Sans dépendre de mon intention, je crois qu'il y a plusieurs mois. Et je sais qu'une année fait plusieurs mois. Je vois plus loin et j'aspire à mieux, pourtant besoin de rien de plus. Et je serai la meilleure version de ma meilleure idée, je passerai sur Canal Plus. En encrypté, je vois des chimères me questionner. On remonte le temps pour sauver la terre. Je cherche la meilleure version de mon surêtre. La cime et l'arche, c'est du bois d'être. Et dans la musique, le son et le verbe être. Faut que je continue à me délivrer de toutes les pensées limitantes. Aussi déterminé qu'une militante, aussi grand qu'un champ avec militante. Je veux voir ça et ça tout de suite. Ça porte pas de papillon, ça porte pas de papillon. Pas tout est dans le message. Ah oui, coupé s'il n'y a pas de méchant. Pourtant je me cherchais un toit pendant la guerre pour dormir sur mes deux oreilles. Allez à sa sagesse du grand Marc Aurèle. Prêt pour le Vala, Indigo remonte ta trace. Plus chasseur-cueilleur, on est des Vénators. Ça crève ses pneus dans la nuit, très noir. Celui-là cassé une chaise sur le dos, les matos mes plus vieux que son troisième œil. Il faut des pinceaux. Y'a trop de couleurs sur la palette. On en invente des nouvelles. Et je m'étale comme peinture, j'oublie rien. L'arc-en-ciel et le bleu. C'est comme l'arc-en-ciel si le premier métissé. Et en haut je me verrai, et en haut je verrai mieux, on y arrive aussi au son. En haut, au Miami Go, Pendo, la Calle, Bla, Nuez, pas de galère, on reste en vie. En haut. Et la guerre se rend pas bon. Oh no, pas de copyright, on a tous les droits, partage de la poussière, ça fait des étoiles. Ça fait des étoiles. Merci beaucoup, beaucoup à Cinderella, Lucie, Pascal, Gwendoline de la Fabrique et au personnel médical et social de la Fondation John Bost. Merci à la MMC aussi pour son soutien financier. C'était Projet Morse, montage Babou, oreille complice Alexandrine. Vous pourrez retrouver les liens vers les artistes cités sur projetmorse.com. On se retrouve en Dordogne pour la tournée de Lududu et Borgefoule. Le 19 janvier à Villefranche-de-Longchat, 19h Lududu salle culturelle, 21h DJ set plus karaoké vocodeur au Butler. 20 janvier à l'espace Jacques Lagabriel à Bergerac, 19h Lududu, 21h Borgefoule. Et le 21 janvier à Sainte-Foy-la-Grande à Fête Sap Salle. 17h30 Lududu, 18h30 Auberge Espagnole, 19h30 Borgefoule. Bisous! Agar kase hon benlos, dazila wa harba habar. Et vers l'en haut, Mélène, faut-il en aller, Ludu?